En Corée, les scientifiques ont exploité par leurs propres techniques et ressources le nutriment bactéricide minéral pour utiliser largement au secteur agricole. Ce produit contient des dizaines d'espèces de nutriments inorganiques favorables à la stérilisation et à la croissance des produits agricoles. Par rapport aux produits phytosanitaires et engrais du passé qui généralement jouent une seule fonction, ce produit remplit simultanément les fonctions de produits phytosanitaires et d'engrais. Les procédés de production sont simples et la base de production peut être aménagée aux proximités des gisements des matières premières et des lieux de consommation. Il est donc très pratique.